Chapitre 7. Monsieur d'Iberville à Versailles. C'était vers 1696, et lorsque le règne de Louis XIV était dans son plus grand éclat. On venait de construire, sous l'impulsion de Colbert, des monuments qui avaient fait de Paris la première ville du monde. On avait bâti les Invalides, terminé le Val-de-Grâce, les Tuileries, le Louvre, ouvert et planté les grands boulevards depuis la porte Saint-Honoré jusqu'à la Bastille, avec ses belles portes Saint-Antoine, Saint-Martin, Saint-Denis, qui font un si grand effet. Dans le même temps, Versailles était devenue une merveille de grandeur et de richesse. Au milieu de ses progrès, le roi se trouvait environné des plus grandes illustrations. Il présidait une noblesse dévouée et brillante. Il avait des ministres habiles, des généraux redoutables, des génies merveilleux dans tous les genres. Les finances, par les soins de Colbert, avaient doublé d'importance. L'armée avait été mise par Louvois sur un pied formidable, et avec cette année, le roi avait une nation valeureuse de 20 millions d'hommes. Malgré la perte de généraux incomparables, la France avait encore de grands hommes de guerre. Luxembourg, Catinat, Boufflers, Delorge, Tourville, Jean Bart, Château-Renaud, d'Estrées et du Gâtrouin. On venait de remporter de grandes victoires, sur terre à Fleurus, à Steenkerk, à Neerwind, à Marseille et à Stafford. Sur mer, Lagos, qui avait vengé les Français du désastre de l'année précédente à la Hogue. D'Iberville vit ses merveilles. Il contempla ses illustrations. Il entrevit ce roi qui avait les plus grandes qualités d'un souverain. Louis XIV possédait un air d'autorité qui imposait le respect, et une égalité de caractère qui gagnait les cœurs. Il savait dire à chacun, en peu de mots, ce qui pouvait lui plaire, et en même temps, il montrait cette délicatesse d'égard qui convient si bien à l'autorité souveraine. Il ne lui arrivait jamais de faire en public ni raillerie, ni reproche, ni menace. Ouvert et sincère avec tous, il était doué de la mémoire la plus heureuse des fêtes, des visages et des services rendus. Tel était le souverain qui présidait aux destinées de la France, et qui ravissait tous les grands génies de son entourage. D'Iberville, charmé et gagné par tant d'amitié et de grandeur, retourna à ses entreprises, plus dévoué que jamais aux intérêts de la Nouvelle-France et à la gloire de la mère patrie. Terre-Neuve. Île de l'Amérique septentrionale par 47° 52' de latitude et 55° 62' de longitude, 600 km du nord au sud et 295 km largeur moyenne. Population 190 000 habitants. Capitale Saint-Jean. Côte dangereuse. Sur ces côtes, on trouve d'immenses quantités de poissons. Cette île offre une belle race de chiens à poils soyeux, remarquables par leur force, leur taille et leur habileté à nager. La France s'est fait donner au traité de Paris en 1763 le droit de pêche. Les établissements français sont au nord et à l'ouest. Il est à remarquer que c'est le confluent des courants du sud et des courants du nord, et c'est ce qui lui donne une si grande importance pour les pêcheries de la France.